Tu aimes Paris? Oui, beaucoup. Mais j'aime aussi voyager. La semaine prochaine, je vais passer quelques jours en province. Quelques jours de vacances? Malheureusement pas. Je vais apprendre à gérer un hôtel de province. Tu trouves ça intéressant? Oh oui, passionnant. Est-ce que tu trouves ton travail intéressant? Oui, mais pas passionnant. Tu es une bonne secrétaire? J'espère que oui. Mais je crois que non. Je déteste la sténo. Je ne peux pas me relire. Tant pis pour ton patron. Oui. Combien d'années d'hôtellerie est-ce que tu as fait? 2. Je travaille très dur parce que je veux être gérant d'un hôtel vraiment bien. Comme l'Hôtel du Nord? Et non, comme le Ritz.